Être un mec lunatique, d'avoir un côté illicite. Fetchy, j'ai l'écriture du Northside en protection. Garçon, et des comptes avocats ont pété dans une rançon. Des milliers de balles dans mon gilet en fin de journée. La population fait des promesses pour pouvoir nous buter. Pourtant, j'ai pas l'oseille, ni le thermos, mais juste le flow. Même sont dans ta grosse caisse et les enceintes. Oh, oh, oh, oh. Northside, Northside. Northside, on s'est dû aller s'amorcer. Northside, on te dit venu du futur pour bien vous démontrer. Mon apparition n'est pas attendue, mais je t'assure, j'ai la dalle, un pare-balles. Trop de cadavres, mais je reste détendu. Sur un gros beat, attentat, clic, clic, lève les bras, clic. Détends-toi, c'est la banlieue qui se bouscule. Larguez les putains, gueule dans le putain. Un coup de ziflé, MC Bug. Prototype, RAG, 5210, Northside. Northside, prototype venu du futur pour bien vous démontrer, ok. Northside, prototype venu du futur pour bien vous démontrer, ok. Northside.